Attention, mesdames et messieurs, c'est le moment du tirage. Il reste alors, une minute avant le prix de présence. Il reste une minute 55 avant le prix de présence. Il reste une minute 50 avant le prix de présence. Il reste une minute 45 avant le prix de présence. Il reste une minute 40 avant le prix de seconde. Il reste une minute 35 avant le prix de présence. Attention, mesdames et messieurs! Nous voulons de vous approcher! Il reste une minute 25 avant le prix de présence. Aujourd'hui, les bénévoles! Il reste une minute 20 avant le prix de présence. On peut dire! La magie de voir grand! Une méthodique pour donner de nouvelles dimensions à votre pensée et satisfaire vos ambitions.